pensar esse pequeno no projeto. Avec plaisir et en espérant que ce soit du plaisir pour toi aussi entre deux en musique et voilà qui est nickel. Allez, allez.